kasi tango Yesu Mesia sofele malamu sofele ya solo akoti akadiso mama bandela mokulu bandela basu bandela koli mama Bambou, l'homme au bambou. notre ingénieur. Jimeki, ça va t'aider. À vos côtés de lui, Tony Kaleta, s'il vous plaît. Nos deux ingénieurs, les héros dans l'ombre. Grâce à Bangoto, salut, salut, qui te voit. Amen. Oh, Soki la vie n'a pas. Et Zalaki, à ta ingénieur de son. Amen. Aïe, n'a pas la gana, salade. Et ça là qu'il y a ta Singapour, on est dans tout petit bateau, et Dios. Attention! Monsieur Katoto, s'il vous plaît. Ah bon, Mani Wapi. Monsieur Katoto, s'il vous plaît. Aïe, à Batami, le producteur, la soirée, allez, le hasard, si tu te donnes à te présenter. Amen, hein? Monsieur, il est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si l'élan la soirée a eu lieu, c'est grâce à Monsieur Antoine. Que le Seigneur le bénisse, notre auditeur. Accompagné de Laël et de Kiria Matope. On les applaudit très fort. Et que le Seigneur le bénisse. Ah, pasteur, on a vu ce que vous allez me montrer. Pasteur Thomas, s'il vous plaît. Pasteur Gustave, s'il vous plaît. On les applaudit très fort. Ils sont très jeunes. Que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Ceux qui la vie n'a pas. La vie n'a pas. Et ça là qui n'a pas ta colle pastorale. Ah là là, t'as vu que le bonheur est avec la salle. Merci à vous tous. Je veux dire bonjour à maman Mélie, maman Christine, maman Donna. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire encore bonjour. Qu'est-ce que je vais reconnaître à nos amis techniciens. Alléluia. À maman Tony, Christophe, Sina. Tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Hey, stop. Que le Seigneur vous bénisse. Mets ton goutte à la nature aussi, ma. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.